conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, peut-on voir le passé tel qu'il était lorsqu'il était présent ? Oui, je sais, c'est une drôle de question qui a tout l'air d'être capillotractée, ce qui prouve au moins qu'elle n'est pas chauve. Loin de moi pourtant l'idée de vouloir faire le malin en contestant les évidences. Il va de soi que le passé est passé, peut-être même est-il dépassé, voire surpassé, voire même trépassé. Il va également de soi que le passé est tout l'enjeu du travail de l'historien, dont l'ambition et la mission poussées à l'extrême visent à rendre présent ce qui n'est plus, à faire comme si le passé était encore là, quelque part, ailleurs, visible, montrable tel qu'il fut, pour peu qu'on utilise les bonnes méthodes et qu'on dispose d'archives. Mais, et c'est là le point que je me permets d'interroger, cette tâche de l'historien n'est-elle pas démesurée, peut-être même impossible ? Au fond, toute époque passée n'est-elle pas incommensurable avec celles qui lui ont succédé ? Le travail du temps qui passe empêche en tout cas les correspondances trop directes. Car la durée qui nous sépare du passé n'est pas seulement une épaisseur dont l'opacité rendrait son image plus confuse, au cours du temps, c'est aussi notre façon de regarder qui s'est modifiée, au point que nous ne pouvons plus voir de la même façon ce que voyaient nos prédécesseurs, même lorsque nous l'avons sous les yeux. Par exemple, je peux contempler le massif du Mont Blanc d'aujourd'hui, mais saurais-je ressentir précisément ce qu'éprouvaient ceux qui le regardaient au XVIe siècle, c'est-à-dire bien avant la première ascension de son sommet en 1786 ? Serais-je vraiment capable de le voir exactement comme le voyaient les chamoniards de l'époque, c'est-à-dire tout peuplé de spectres, de gueules béantes et de méchants fantômes. En un sens, le massif du Mont-Blanc, même s'il demeure bel et bien là, n'existe plus comme autrefois, dès lors qu'il n'est plus visible ni envisagé de la même façon par les yeux qui sont désormais les nôtres. Prenons un autre exemple. Lorsque nous lisons les mots « atome » ou « vide » sous la plume de Démocrite ou d'un autre atomiste de l'Antiquité, sommes-nous vraiment capables de comprendre ce qu'ils avaient dans la tête lorsqu'ils utilisaient ces mots il y a plus de 25 siècles ? Le mouvement de notre pensée ne projette-t-il pas dans leur signification tout ce que nous avons appris depuis sur les atomes et sur le vide, qui ne sont pas du tout comme ils les pensaient ? On devine que ce sujet est vaste, trop vaste pour une seule émission. C'est pourquoi nous allons le circonscrire aujourd'hui au seul domaine de l'art, en posant cette simple question : lorsque nous sommes devant une œuvre du passé, disons un tableau, pouvons-nous la regarder exactement comme la regardaient les contemporains de l'artiste, c'est-à-dire avec les yeux de l'époque, sans être influencé par tout ce que nous avons pu lire, dire, écrire sur elle après coup. Pour discuter de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Amandine Rabier et Pauline Marie, que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes toutes les deux historiennes de l'art. Amandine Rabier, votre thèse de doctorat, que vous avez soutenue il y a peu de temps, s'intitule « Henri Fuseli ou le spectacle de la peinture d'histoire 1768-1825 ». Et cette thèse est en cours de publication aux presses universitaires de Rennes. Pauline Marie, vous êtes également historienne de l'art, mais pas de la même époque. Et vous allez bientôt faire paraître un livre intitulé « Le voyeur et l'halluciné ». Bonjour à vous deux. Alors, bonjour Étienne Klein. Bonjour. Amandine Rabier, je voulais d'abord vous demander comment on prononce le nom du peintre auquel vous avez consacré votre thèse, qui est donc Henri Fuseli. On dit Fuseli. Fuseli, il était suisse. Alors, il était suisse. Il était suisse-allemand. Tout dépend, en fait, si vous le prononcez à l'anglaise ou si vous le prononcez à l'allemande. À l'anglaise, parce qu'il a vécu en Angleterre. C'est ça. En fait, il a fait toute sa carrière en Angleterre. Il a lui-même changé plusieurs fois de nom pour des problèmes de prononciation parce que les Anglais avaient du mal à prononcer le nom Fuseli. Donc, il y a eu un dérivé orthographique. Donc, on est passé de Fuseli à Fuseli en Angleterre. Et donc, en Angleterre, il a fait toute sa carrière sous le nom de Henry Fuseli. Et donc ça s'écrit F-U-S-E-L-I. Exactement. Et alors vous dites dans votre thèse qu'il a été l'incarnation d'un tiraillement identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans ma thèse, justement, j'essaie de justifier le nom que je choisis, puisqu'on le connaît beaucoup mieux en France et en Suisse, sous le nom de Fuseli. Et j'ai fait le choix d'utiliser le nom de Fuseli, précisément, pour me focaliser sur la carrière anglaise, en fait. Et donc, du coup, ce tiraillement identitaire, j'utilise cette formule justement pour justifier ce glissement, en fait, orthographique. Et puis, pour montrer qu'en fait, il est multiple et qu'il est fait d'énormément de facettes et de sources différentes et d'identités différentes. Et donc ça commence avec sa formation en fait en Allemagne, où il reçoit les plus grands enseignements des meilleurs philosophes, qui sont Bodmer et Brettinger en Allemagne, à Zurich, qui sont peu connus maintenant, enfin en tout cas dans la culture française, et qui lui enseignent la culture anglaise. Et donc du coup, il y a toujours ces va-et-vient entre la culture anglaise et la culture allemande. Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns de ses tableaux les plus célèbres ? Moi, je connaissais Le Cauchemar. Ah bah évidemment, Le Cauchemar. Je pense que c'est le tableau qui a fait sa renommée. C'est encore le tableau qui reste pour plein de raisons différentes. D'abord parce que ce tableau de son vivant a eu un succès phénoménal. Et puis, ce tableau a aussi eu une fortune critique incroyable puisqu'il a subi des détournements, des caricatures, des hommages aussi. Donc, je pense que c'est son tableau... le plus connu, définitivement. Alors si on en vient à la question que je posais, c'est-à-dire est-ce qu'on peut lire, regarder les œuvres du passé comme les voyaient les contemporains des artistes qu'ils ont produites, est-ce que vous-même, vous arrivez à comprendre comment sa peinture a été reçue? Il a eu du succès, je crois, assez vite. Il est mort à 84 ans travail. Est-ce que quand on fait un travail comme le vôtre, qui est un travail d'historien de l'art, on se rapproche de l'œuvre? Ou est-ce qu'on s'en éloigne, en tout cas de sa version originelle, par un travail critique qui fait comprendre des choses que les contemporains peut-être ne pouvaient pas percevoir? Je crois que le travail est double en fait. Mais effectivement, il y a toujours une distance entre l'œuvre et le spectateur en fait. Et je crois que plus on s'éloigne de l'époque à laquelle a été créée, plus cette distance peut être grande. Cette distance qu'on essaie de compenser par rapport au savoir qu'on essaie d'acquérir, et donc il comble cette distance entre l'œuvre et son spectateur. Malgré tout, je pense que cette distance persiste pour plein de raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher, on vit dans notre époque, et on ne peut pas s'empêcher de projeter, même si le rôle de l'historien d'art est précisément de nier toutes ces projections et de s'inclure vraiment dans l'époque de l'artiste. Tout de même, il me semble que cette distance est en même temps nécessaire, en fait, pour étudier l'œuvre d'un artiste. Et je crois que, paradoxalement, elle nous rapproche de l'œuvre. Elle nous rapproche de l'artiste. Je vous donne un exemple concret, qui est celui de ma thèse, en fait, avec laquelle j'ai abordé ma thèse, où précisément, j'ai eu le sentiment d'une défaillance de l'archive, en tout cas de l'archive écrite, et où j'ai eu le sentiment que le passé ne se suffisait plus à lui-même et devenait presque un obstacle à sa compréhension, à sa propre compréhension, si vous voulez. Ça veut dire que personne ne l'a compris de son vivant ? Pas tout à fait, parce que vous le disiez tout à l'heure, il a eu beaucoup de succès, pas si vite que ça. Mais le succès ne veut pas dire qu'on comprend. Le désir à cette époque-là, c'est d'avoir du succès. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça on ne le sait jamais. Mais en tout cas, c'est d'avoir du succès. En général, quand on a un succès et une réception positive, on peut en conclure que ce sont pour de bonnes raisons qu'on a compris l'artiste, a priori, en tout cas de son temps. Sauf que si on fait le travail de l'historien, il reste quand même des points aveugles quand on réfléchit sur un artiste et qu'on ne s'en tient pas que à l'archive écrite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapprochement entre... Füssli est un peintre d'histoire, ce qu'on appelle un peintre d'histoire, c'est-à-dire un peintre du haut genre. Et il faut comprendre qu'à la fin du XVIIIe siècle, il est totalement hasardeux de rapprocher le théâtre de la peinture d'histoire. Pour la bonne et simple raison que la peinture, les beaux-arts, sont soumis à une hiérarchie des genres, c'est-à-dire une classification académique. Édictée par l'institution qui était l'Académie royale de peinture et de sculpture en France et qui, un siècle après, est transposée en Angleterre, en 1768, née la Royal Academy. Et donc la hiérarchie des genres subdivise les genres picturaux en différents du genre mineur au genre le plus haut qui est la peinture d'histoire. Donc on part de la nature morte, puis le paysage, ensuite la scène de genre, le portrait, puis la peinture d'histoire. La peinture d'histoire, donc, fait référence aux sources littéraires. Un peintre d'histoire, par la noblesse de son sujet, doit représenter les actions humaines et doit se référer à la source textuelle, qui est la source la plus noble, qu'elle soit biblique, mythologique ou dramatique. Dans le même temps, le théâtre est un modèle visuel et qui n'a pas la dignité, la noble dignité de la peinture. Donc, pour l'époque, il est impensable de rapprocher le modèle visuel qui est la scène de la peinture d'histoire. Alors, c'est justement ce que fait Fejli, Amandine Rabier. Alors, c'est ce que je suis partie de ce postulat-là, ce qui a été très compliqué à démontrer, puisque la critique, donc on s'en réfère forcément au témoignage, à la correspondance, on s'en réfère aussi aux critiques, à la presse de l'époque, et nulle part, mais nulle part... Ça n'est dit, et nulle part on peut faire de lien entre Fuseli et le théâtre, si ce n'est de manière totalement privée, c'est-à-dire que Fuseli... adore le théâtre. Shakespeare, il y en a. Alors Shakespeare, il faut savoir aussi qu'il y a un débat entre le Shakespeare lu et le Shakespeare vu en Angleterre. Et pour l'élite, les intellectuels, c'est le Shakespeare lu qui l'emporte, c'est-à-dire la source poétique. Donc Shakespeare est perçu comme un poète. Parce qu'il est représenté par ailleurs dans toutes les classes sociales. Alors il est connu. On connaît le texte shakespearien dans toutes les classes sociales grâce au théâtre et grâce donc à la scène, au modèle visuel. Vous voulez dire qu'à l'époque, tout le monde va au théâtre ? Tout le monde va au théâtre. Tout le monde va au théâtre. J'insiste, tout le monde va au théâtre. En Angleterre, je sens que vous êtes sceptique et que vous sentez... Tout le monde va au théâtre, je note. Oui, parce que le théâtre est un pur divertissement, et d'où les détracteurs d'ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde va au théâtre, même l'élite... qui, d'un côté, critique le théâtre, en même temps, tout le monde se retrouve au théâtre, tout le monde pratique le théâtre, dans des théâtres privés également. Alors, évidemment, l'intérêt diverge en fonction des classes sociales. Mais il y a un auteur qui fait consensus, c'est Shakespeare. Mais alors, vous expliquez dans votre thèse, Amandine Rabier, que justement, l'œuvre picturale de Fuseli et le théâtre de l'époque sont intriqués. On ne peut pas penser son œuvre sans penser le théâtre. Du coup, est-ce qu'on peut comprendre sa peinture si on ne connaît pas le théâtre avec lequel elle résonne ? Alors voilà, le problème vient de là et c'est précisément ce point aveugle dont je parlais. C'est-à-dire que... On approche de la réponse à la question posée. Exactement. En tout cas, d'une des réponses possibles. C'est-à-dire que vous avez... force est de constater que dans mon sujet, il y avait une défaillance de l'archive écrite, en tout cas de l'archive directe. Puisqu'il n'y avait pas de lien direct avec le théâtre. En revanche, ce que je voyais, c'est que l'image me disait autre chose que ce que me disait le discours. C'est-à-dire l'image me disait quelque chose que l'archive me refusait et que le discours me refusait. Donc j'avais besoin de trouver, si vous voulez, de trouver d'autres voies possibles. Donc de trouver d'autres sources d'archives. Et d'essayer d'arriver à admettre qu'on ne pouvait analyser le passé, qu'il était difficile d'analyser le passé qu'avec les catégories du passé. Une fois qu'on comprend ça, et qu'on comprend qu'il faut s'extraire de ces catégories du passé, d'un coup, on s'affranchit de tous les codes en vigueur d'une époque, et on peut penser autrement les choses. Ça veut dire que vous croyez à une sorte d'objectivité transhistorique ? C'est que l'œuvre parle d'une certaine façon que le temps qui passe aide à comprendre. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'époque nous refuse par certaines contingences et certaines obligations et certaines formes académiques, cette distance, précisément dont je parlais tout à l'heure, cette distance par rapport à l'œuvre, nous offre des possibilités de voir l'œuvre autrement. Et précisément de faire des rapprochements qui n'étaient pas possibles au préalable. Et pour revenir, pardonnez-moi, je vous coupe. Pour revenir à cette porosité entre les spectacles, c'est précisément en comprenant comment le tissu social est construit, comment la culture visuelle est construite, en essayant de construire un patrimoine d'images, un patrimoine visuel que Fuseli dont Fuseli s'est imprégné, on découvre de nouvelles choses que l'archive écrite directe nous refusait en fait. Donc ça me donne une idée d'expérience de pensée pour le coup. Si Fuseli revenait parmi nous, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Est-ce que vous pourriez vérifier les hypothèses que vous venez d'avancer devant lui ? Est-ce qu'il comprendrait ? Et réciproquement, si vous alliez à l'époque de Fuseli, est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez vérifier la thèse que vous défendez dans votre doctorat ? Je pense que je pourrais la vérifier parce que, précisément, je me suis, je me suis reposée sur toutes les images de cette société. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié qu'un seul spectacle, j'ai essayé d'étudier tous les spectacles, c'est-à-dire le théâtre, mais aussi les foires de l'époque. Donc j'ai essayé de m'imprégner d'une culture vraiment visuelle, d'une culture des spectacles, du genre noble au genre populaire. Et j'ai aussi essayé de convoquer différentes époques. Parce que, et je pense que ça répond aussi à une partie de la question, c'est que je crois pas qu'il n'y ait qu'un seul passé, mais je crois qu'il y a des passés. Et qu'il y a plusieurs modes de pensée et plusieurs périodes à convoquer pour arriver à cerner un sujet, surtout quand l'archive directe n'est pas évidente au premier abord. Je sais pas si je pourrais demander à Fussli pour la bonne et simple raison déjà que Fussli, je pense, est d'une immense mauvaise foi. Et que je suis pas certaine qu'on puisse vraiment croire ce que... Vous voulez dire que ce qu'il a écrit sur son travail n'est pas juste ? Absolument. Non, je ne dirais pas qu'il n'est pas juste. Parce qu'il a beaucoup écrit, il a été critique d'art aussi. Alors, critique d'art, c'est-à-dire qu'il a été professeur à l'Académie, et lorsqu'on est professeur à l'Académie, on dispense des conférences. Des conférences donc qui sont l'enseignement théorique destiné aux artistes. Et donc dans ces enseignements théoriques, on divulgue une pensée. Et il y a un immense décalage, et c'est tout l'intérêt de la complexité de cet artiste, c'est qu'il y a un immense décalage entre sa théorie et sa pratique. Alors, c'est le moment de passer un morceau de musique, comme vous savez, puisqu'on arrive à 20 minutes après le début de l'émission. Et vous avez choisi, Amandine Rabier, une chanson de Sarah Vaughan qui s'appelle Dream. Ça rappelle un peu l'expérience de pensée qu'on vient d'évoquer. Nous allons l'écouter. Dream. Dream, dream, oh la la la la, listen here. Something new to me, I'm telling you. I beg your pardon. What do you say? Should I tell him? Dream when you're feeling blue. Dream. That's the thing to do. Just watch the smoke rings rise in the air. You'll find your share of memories there. So dream when the day is through. Dream and they might come true. Are as bad as they seem. So dream, dream, Dream par Sarah Vaughan, c'est le choix d'Amandine Rabier. Pourquoi cette chanson ? On devine un peu, mais... Alors d'abord, c'est parce que c'est une chanson qui fait du bien. Je confirme. Donc je crois que rien que pour ça déjà. Et puis oui, alors je sais ce que vous voulez m'entendre dire. Non, c'est le rêve, oui évidemment. Alors, je vous avoue que j'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai choisi cette chanson au rêve et donc le cauchemar de Fuseli. Mais c'est vrai que c'est un thème récurrent chez Fuseli. Le cauchemar, c'est vraiment le point de départ chez Fuseli d'un travail sériel qui va durer tout au long de sa vie. Et il va décliner le rêve de différentes manières en créant un répertoire de personnages, des compositions différentes. Mais ce thème va revenir tout au long de sa vie et va l'obséder. Mais pour la chanson, si j'ai choisi ça, c'est... D'abord, je tenais à l'introduction. Vous savez, il y a une introduction qui nous met un petit peu dans l'ambiance et que j'aimais beaucoup, où on entend Sarah Vaughan parler, en fait, et on l'entend s'entretenir avec le public et discuter avec lui. Et j'ai entendu plusieurs versions où ce petit passage-là, ce préambule, en fait, était coupé. Et je trouvais que ça changeait le charme de la musique. Et en fait, j'ai réalisé que ça avait à voir avec la question que vous nous posiez aujourd'hui sur la spatialisation du temps, en fait. Et le fait de spatialiser le temps, ça lui donne une dimension et ça aide notre imagination à... On pose des questions d'ordre spatial à propos du temps. Et les petits mots qu'elle dit avant de chanter sont des mots qui mettent dans l'ambiance, en fait. Exactement, c'est-à-dire que d'un coup, en 5 minutes, on se trouve projeté dans une ambiance de club de jazz new-yorkais ou de Chicago. Et voilà, et on est transporté dans cette ambiance-là par notre imagination. Alors justement, moi j'ai lu que les surréalistes avaient fait de Fuseli un de leurs précurseurs. Est-ce que c'est pas justement un bel exemple de rétroprojection, où en voulant identifier dans le passé un père, on en fait en fait un fils? C'est-à-dire que c'est comme si on imaginait qu'à l'époque, des gens, voyant les peintures de Fuseli, disaient « Tiens, on attend les surréalistes. Ils vont arriver. » Oui, on cherche toujours des filiations. Et Fuseli a quelque chose d'extrêmement singulier. Il a eu des suiveurs, mais il a peu fait école, en fait. Il a eu très peu d'élèves. Et donc, du coup, il a quand même une vraie singularité dans l'histoire de l'art. Les surréalistes se revendiquent de Fuseli, mais les symbolistes avant lui... Edgar Poe évoque Fuseli, Oscar Wilde évoque Fuseli. Donc c'est une sorte... le cauchemar est devenu une sorte d'archétype, en fait. Et on fait de Fuseli une sorte d'emblème de ce merveilleux, parfois noir et lugubre. Fuseli crée vraiment un monde, en fait. Hein. Il crée un univers, un artiste vraiment démiurge, en fait. Hein. Il crée des personnages. On l'appelle le Shakespeare Painter. Et c'est vraiment... Il crée son répertoire de personnages et il crée son propre univers. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Pauline Marie. Bonjour Étienne. Oui, bonjour. Alors vous êtes historienne de l'art également, je l'ai précisé. Vous allez publier au mois de mai 2018 un livre intitulé « Le voyeur et l'halluciné » aux presses universitaires de Rennes. Là où paraîtra également la thèse d'Amandine Rabier que nous venons d'écouter et que nous allons réentendre. Mais quelle serait votre réponse spontanée à la question posée? Est-ce que on est capable de retrouver le regard originel porté sur les œuvres du passé? Vous êtes spécialiste d'une période qui est plus récente. Oui. Laquelle d'ailleurs? Alors, donc, en fait, le titre de cet ouvrage, c'est « Le voyeur et l'halluciné au cinéma avec Lopart ». Le voyeur renvoie au cinéma et l'halluciné à Lopart, c'est-à-dire que j'ai une approche un peu différente. Lopart, c'est une avant-garde artistique qui a émergé dans les années 60. Donc on est sur une période beaucoup plus proche que celle d'Amandine Rabier. Et il ne s'agit pas d'étudier l'histoire de l'art en soi, il ne s'agit pas d'étudier l'histoire du cinéma en soi, mais de croiser les deux en se demandant finalement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de passer par le cinéma qui utilise les œuvres d'art pour les décors ou pour tout simplement des détails signifiants, pour comprendre en fait la portée de ces œuvres d'art dans l'imaginaire collectif, pour faire de la réception, pour comprendre comment les cinéastes ont travaillé avec les artistes, ont pu avoir des relations. Donc en fait, c'est une méthode un peu in vivo. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, alors simplement un mot sur Lopart, c'est une avant-garde artistique qui émerge au début des années 60 et qui consiste à bouleverser la perception, à mettre à mal la perception. d'illumination, c'est-à-dire qu'on fait des reliefs avec des lumières stroboscopiques, des choses qui vont, des peintures très géométriques qui vont créer des illusions d'optique et qui vont perturber en fait la perception. On n'est pas du tout dans une esthétique de la contemplation où il faut. Donc le spectateur a un rôle dans la façon dont les choses sont perçues. Complètement. S'il n'est pas là, l'œuvre d'art n'existe pas. C'est lui qui va venir activer par sa neurologie finalement. C'est un petit peu quantique d'art. Alors, c'est-à-dire que le fait de regarder modifie ce qui est vu. Voilà, et c'est cette grande découverte, en tout cas empirique dans les années 60, que le cerveau produit... Nous sommes dans une hallucination perpétuelle, en fait. C'est le cerveau qui invente la vision. Et si on regarde pendant longtemps, des damiers, des renflements, au bout d'un moment, il y a des picotements, il y a des phénomènes de persistance rétinienne. C'est des choses qui ont été vues par Goethe. Donc la perception est modifiée elle-même par le fait d'être active. Oui, c'est-à-dire qu'on est en permanence en train d'inventer de l'image et du réel. Et ce mouvement était complètement anti-bourgeois parce qu'effectivement, il n'y a plus besoin d'être érudit pour apprécier une œuvre d'art. N'importe qui, c'est très démocratique, hein, va avoir les mêmes sensations psychiques devant une œuvre d'art. Et ça, le cinéma l'a bien compris. Pendant très longtemps, le cinéma a eu un complexe d'infériorité vis-à-vis de la peinture. Il y avait un peu comme chez Amandine Rabier, où la peinture d'histoire passait avant le théâtre. Bon, bah là, pendant longtemps, la grande peinture passait avant le cinéma, qui était un art des foules. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 60? Le cinéma va reprendre ses droits. C'est-à-dire que le cinéma va s'emparer d'un art qui est un art du mouvement et un art de la lumière. Donc, qui est fondamentalement est un art fait pour lui. Et simplement, là, pour résumer un peu l'idée du voyeur et de l'halluciné, le cinéma est insatiable de vision. C'est un voyeur. Il est dans une pulsion scopique. Il veut montrer des choses immontrables, des délires mentaux, des choses que finalement on ne peut pas écrire, on ne peut que se représenter. Et pour ça, il a trouvé la victime consentante parfaite, hein, une sorte de relation sadomasochiste, c'est-à-dire l'oparte. Alors, pour répondre à la question, dans mon cas, quand on étudie les années 60 et quand on étudie l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma, premier point, on peut se dire que le temps joue en notre faveur. Il y a cette règle fondamentale pour l'historien, c'est qu'il faut un minimum de 30 ans pour avoir du recul sur la période historique. Sinon, je suis finalement... Du recul, c'est-à-dire de l'objectivité pour vous ? C'est-à-dire qu'il ne faut plus être acteur de l'histoire, il faut en être exclu. Il y a cette phrase de Barthes qui dit « l'histoire est hystérique ». Pour qu'elle puisse se constituer, il faut la regarder. Et pour la regarder, il faut en être exclu. Voilà. Il y a aussi cette image, moi je pense toujours au film de Blow Up d'Antonioni, très célèbre, et le personnage prend des photos, les développe chez lui, et il se rend compte qu'il a photographié un meurtre. Et plus il va chercher à faire des agrandissements, c'est-à-dire que plus il va être collé à son objet, moins il va voir. Une sorte de flou, c'est pareil pour l'historien. Et en même temps, dans mon cas... C'est aussi le contraire. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais de l'histoire des objets dans le cinéma, des œuvres d'art dans le cinéma. C'est-à-dire, pourquoi, à un moment donné, ce cinéaste-là a mis ce tableau-là dans son film? Ça peut être le décorateur, ça peut être bon, quelque chose qui est complètement utilitaire. Hein. Éric Rohmer disait, au cinéma, il faut bien meubler. À un moment donné, il y a des acteurs, il faut mettre un tableau pour évoquer sociologiquement le statut bourgeois du personnage. Et donc, il faut bien meubler. Mais en même temps, ça révèle peut-être une intimité profonde, enfin un lien très profond entre le cinéaste et l'œuvre d'art qu'il va mettre en scène. Et donc, en tout cas, pour... retracer l'histoire de cet objet. Pourquoi j'ai un pastiche de Vasarely dans un film de Daniel Valcroz? Pour ça, il faut faire de l'enquête. Moi, je fais un travail d'enquête, c'est-à-dire que je suis historienne de l'art, mais je fais aussi un peu une histoire orale où je recueille des témoignages, c'est un peu comme du journalisme. Et l'idée, c'est de retrouver le chef décorateur, le chef opérateur, l'accessoiriste, le technicien pour reconstituer cette histoire au cas par cas. Et le problème, c'est que dans les années 60, toutes ces personnes aujourd'hui ont à peu près 70, 80 ans et plus, et que cette histoire-là... Donc ce sont des personnes que vous pouvez rencontrer. Que je peux rencontrer, mais qui sont... Déjà, quand je leur parle de certains films, ils me disent, vous vous rendez compte, c'était il y a 60 ans. Donc, il y a une amnésie qui est passée par là. Donc, dans mon cas... il faut, pour faire de l'histoire vivante, il faut se dépêcher de la faire. Ou alors, dans ces cas-là, je peux me dire, je vais m'intéresser aux films des années 80, ce que je commence à faire, mais il n'y a plus ce recul historique. Les années 60 m'intéressent parce que enregistre un véritable bouleversement de la perception. La perception s'accélère. La perception est partout. Ou se ralentit, parce qu'on invente aussi le ralenti qui fait voir des choses qui sont là, mais qu'on ne voit pas sans ce stratagème. Et c'est exactement, en fait, ce pourquoi ma discipline est possible. C'est que je passe mon temps à arrêter le film et à dire, bon, voilà, ce tableau que personne ne voit à l'œil nu, moi, je le vois parce que j'ai fait un arrêt sur image. Et ce décor, ce tableau qui semble insignifiant, si on va voir un cinéphile, il va dire, mais finalement, ce tableau, peu importe, qu'est-ce qui compte? En fait, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et moi, je vais essayer quand de faire parler... Quand on voit le film au rythme normal. Alors, ça dépend. Il y a des œuvres d'art où on ne voit que ça. Enfin, des films où on ne voit que ça. Et je vous donne un exemple. Si je peux donner un exemple là-dessus. Mais vous pouvez. Un exemple d'un décor presque invisible. Ma nuit chez Maud, de Éric Rohmer. Un film qui sort en 69. Le film est tourné en studio. Il y a cette scène avec... Avec Trintignant, avec donc différents acteurs. Et au mur, il y a un tableau qu'on voit que sur un ou deux plans. C'est très rapide, le film est en noir et blanc. Bon. Et j'ai retrouvé une pièce, c'est une la transcription d'une conférence orale de Éric Rohmer qui dit « Bon ben voilà, ce tableau, dans ce film Ma nuit chez Maud, c'est moi qui l'ai fabriqué. » Au début, il fallait meubler. J'ai demandé à des artistes peintres abstraits de proposer un tableau. Ça ne rendait pas bien parce que le film est en noir et blanc et ces tableaux sont en couleur. Donc, j'ai bricolé. Intéressant quand même, Éric Rohmer qui bricole, qui va prendre un atlas de lune, découper des photos, encadrer le tout et faire passer ça pour un tableau. Et qui se dit, qui raconte dans la conférence qu'il en était très content parce que ça ressemblait à un tableau de Hans Hartung, grand peintre de l'époque. Bon, j'ai enquêté à partir de là pour voir finalement quel est le lien entre Hartung et ce peintre abstrait lyrique et Éric Rohmer, grande figure de la Nouvelle Vague. Et je suis tombée sur un inédit, un texte dans lequel il raconte sa passion incommensurable pour Hartung. C'est-à-dire qu'il détestait tous les artistes lyriques, sauf Hans Hartung, et qui venait d'être subjugué par une rétrospective au Musée d'art moderne en 69, etc. Et il se sert de Hartung pour défendre son cinéma en disant, ben voilà, comme Hartung, je suis un classique, je fais un cinéma moderne qui parle de la nature, etc., etc. Donc voilà comment un détail insignifiant, quelque chose qui est à l'arrière-plan, que l'historien du cinéma n'étudie pas, parce qu'il préfère étudier l'histoire du montage, des dialogues, de la mise en scène. Voilà comment, pour l'historien de l'art, c'est une vraie pièce qui nous en apprend non seulement sur la réception d'un peintre, Hans Hartung, et sur la passion d'Éric Rohmer pour un peintre qu'on ne soupçonnait pas, en fait. Mais Pauline Marie, je voudrais que vous livriez un petit commentaire de texte. C'est un texte de vous, qui oui. est dans, qui est dans le plaisir. Livre, qui va bientôt paraître et dont j'ai pu lire des extraits. Vous écrivez « Le cinéma psychanalyse l'art ». Il en traque les complexes, les inhibitions, la mauvaise foi, les désirs. Mais que se passe-t-il quand le patient est son double refoulé? C'est toute l'histoire du voyeur et de l'halluciné. Sur le divan des confessions, Lopart tente au cinéma un miroir lacanien et la machine s'emballe. Ouais, je vais un peu expliquer. Alors, fin de citation. Ouais. Donc, j'aime bien dire que je fais une histoire des refoulés. C'est-à-dire qu'il y a une histoire officielle et une histoire propre. Celle des catalogues d'art, celle des dates... Et puis il y a une histoire officieuse, c'est justement l'art qui se raconte au cinéma. Et il y a une sorte de défouloir qui s'exprime, c'est-à-dire que le cinéma est un refoulé de l'art. Je donne un exemple, Alphaville de Godard, qui est un film qui est paru en 1965. Bon. Dans ce film, Godard s'empare indirectement d'un projet d'un artiste cinétique qui est Nicolas Schoeffer. Nicolas Schoeffer, en un mot, c'est l'inventeur de la sculpture cybernétique et il avait inventé une grande tour qui devait être plus grande que la tour Eiffel, qui devait prendre place à Paris dans le quartier de la Défense, donner des spectacles fantasmagoriques aux foules et qui devait régir les activités de Paris. Bon. Eh bien, il y a l'histoire officielle, à la télé, on va s'enthousiasmer de ce projet de Nicolas Schoeffer. Et il y a l'histoire officieuse du cinéma. C'est Godard qui va, avec Alphaville, projeter une ville du futur. C'est un scénario complètement dystopique. Il va tourner son film dans le quartier de la Défense, précisément là où devait être construite la tour de Nicolas Schoeffer. Et puis... véritable défoulé, il va exprimer en fait toutes les peurs collectives qui étaient liées au projet de Schoeffer. La mort des émotions, la mort de l'amour, la mort du langage, parce qu'on parle en langage binaire, la société de surveillance, etc. Donc ça, c'est un peu pour poser le contexte. Le cinéma est un refoulé de l'art, c'est-à-dire qu'il va exprimer l'inconscient collectif d'une époque. Mais pourquoi on a deux névrosés ? Parce que le cinéma est un voyeur, pulsion scopique d'un côté, et Lopart est névrosé. C'est-à-dire que Lopart est constamment dépositaire d'une hallucination et créateur d'une hallucination. Donc, c'est bien beau pour le cinéma, parfois, de vouloir commenter cet art cinétique, c'est-à-dire d'apporter une distance critique, de le mettre en scène, de mettre en scène également ses failles, ses prétentions à vouloir faire réagir le spectateur. Mais que se passe-t-il quand le cinéma est aussi malade que cet art qui est halluciné? C'est-à-dire que se passe-t-il quand les deux sont les mêmes, en fait? Les deux sont des sortes de doubles mimétiques, c'est-à-dire que le cinéma a des névroses que, qu'il partage avec Lopart. Donc, est-ce que vous seriez d'accord, Pauline Marie, pour dire comme Walter Benjamin que le cinéma fait voir un inconscient visuel? C'est-à-dire fait voir des choses que le spectacle de la vie telle qu'elle va ne permet pas d'identifier, et seuls les artifices du cinéma permettent de le montrer. Oui, en fait, vous voulez dire les mettre en représentation ? Fait voir des choses que l'œil humain, lorsqu'il est privé de technique, n'identifie pas. Oui. C'est que la technique change justement le rapport à l'image. Oui, la technique change le rapport à l'image. Et finalement, il n'y a pas d'art autonome. Il y a des arts qui sont toujours interprétés dans une sorte de culture plus ou moins innervée par la technique. Oui. Et la technique joue un rôle dans la perception qu'on peut en avoir. Oui, deux réponses à ça. Le pouvoir de représentation du cinéma est illimité. Très rapide comme exemple, L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot. Donc c'est le premier film qui, dans le cinéma français, met en scène Lopart, et le film est resté inachevé pour des tas de raisons, mais on en a découvert les rushs. C'est un drame passionnel, l'histoire d'un mariage jaloux qui bascule dans la folie. Et pour représenter cet état mental délirant, Clouzot a fait appel à deux artistes cinétiques qui sont Joël Stein et Jean-Pierre Ivaral. Et évidemment, par les jeux de lumière et les effets spéciaux, les effets de moirage, de sursollicitation, les effets de saccade, d'un coup, on a une sorte de... on entre dans la psyché d'un fou. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, le cinéma permet de faire voir cette folie. Après, pour la question de la technique, évidemment, le cinéma est imbriqué à la technique de façon intrinsèque. Par exemple, si on pense au cinéma muet, et on pense à Chaplin. Chaplin, il a une gestuelle très saccadée, très accélérée en fait. Mais il y a un peu de triche là-dedans. C'est parce qu'en fait, à l'époque, on enregistrait les films à 16 images par seconde. Et pour éviter les sautes, on accélérait la diffusion de la bobine. Pour donner l'impression de continuité. Voilà, donc en fait, si on réfléchit, on a l'impression que on va déduire d'un comportement et d'une gestuelle du corps qui est en fait le symptôme d'une technique. Pareil pour le côté flou et le tremblé de l'image. Si on regarde un tableau impressionniste en 1895 de Renoir et la même année la sortie de l'usine Lumière à Lyon, donc qui est un des premiers films des frères Lumière, on a l'impression qu'on voyait trouble à cette époque. Or, ce n'est pas le cas. Par contre, il est vrai que la technique a une incidence sur la perception. Je pense à Victor Hugo qui décrit son voyage en train vers la Belgique. Je crois que c'est 1860, quelque chose comme ça. Il est en train, il écrit une lettre en disant « Mais j'ai complètement changé ma vision du train, c'est une expérience sensationnelle. La rapidité est inouïe. » Bon, la rapidité est inouïe, sauf que le train roule à 100 km/h. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 300 km/h. Donc, tout est relatif. Et la deuxième chose, il dit rapidité inouïe, et les fleurs sur le bord du chemin en train, ce ne sont plus des fleurs, ce sont des raies, ce sont des taches, etc. Mais là, on comprend mieux la peinture impressionniste. Vous parlez de rapidité, Pauline Marie, mais pourtant, la musique que vous avez choisie, c'est celle des choses de la vie, film qui est truffé de ralenti. Oui. On va l'écouter quand même. On l'écoute d'abord. D'accord. Thank you. Pauline Marie, Les choses de la vie, la musique de Philippe Sard. Vous avez choisi le film ou la musique ou les deux? Évidemment, les deux sont imbriqués. Et je pense qu'on a tous ressenti une certaine émotion à l'écouter. C'est probablement le cas des auditeurs. Pourquoi cette musique me touche particulièrement? Parce qu'elle renvoie à ce drame qu'est le film Les choses de la vie. Terrible film, magnifique, mais terrible, parce que l'accident de voiture qui va tuer le personnage de Michel Piccoli nous est montré au début du film avec une série de loopings, de cuts, de jumps. Et on comprend dès le début qu'il n'arrivera pas à solutionner son destin amoureux et que finalement, l'accident est peut-être un suicide. Donc ça, je trouve que c'est une mélancolie formidable. Et en même temps, cette musique m'intéresse parce que je l'ai écoutée il y a pas longtemps, plusieurs années après avoir vu le film, et je ressentais pas la même émotion. Et je me suis dit, au fond, il y a quand même un côté presque, je vais peut-être un peu choquée, mais un peu mièvre dans cette musique. Un côté un peu pompier. Je crois qu'on ressent la même chose avec le Mépris de Godard. Une musique comme ça, pompier. Mais quand on a en tête ce drame amoureux, c'est fascinant. Et je trouve que c'est une musique qui appelle qui révèle la fabrication des faux souvenirs. À un moment donné, je me sens profondément concernée par cette musique, alors que ce n'est pas mon histoire, mais que je me suis appropriée ce drame amoureux. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Amandine Rabier et Pauline Marie, vous êtes toutes les deux historiennes de l'art, et j'aimerais que vous confrontiez votre rapport au passé, puisqu'Amandine Rabier, vous êtes historienne de l'art pour une période beaucoup plus ancienne que celle qui intéresse Pauline Marie. Est-ce qu'il est possible de retrouver le regard du passé lorsqu'on est devant une œuvre du passé? Et pour lancer votre discussion, je voulais vous proposer une remarque de Wittgenstein, qui est toujours intéressant à lire à propos de ces questions de temps, d'espace et d'image. Voilà ce qu'il écrit. « L'idée est en quelque sorte posée sur notre nez comme des lunettes au travers desquelles nous verrions ce que nous regardons. Il ne nous vient même pas à l'esprit de les enlever. » Fin de citation. Peut-on dire la même chose, non plus de l'idée, mais de nos analyses de ce que nous voyons? Est-ce que on a toujours des lunettes, et elles sont tellement là depuis tellement longtemps qu'on ne pense même pas à les enlever quand on regarde une œuvre? Qui commence? Vas-y, Amandine, je t'en prie. Oui, c'est toute la question de penser l'histoire par rapport aux catégories du passé et d'essayer de s'en affranchir. Peut-être que finalement, s'affranchir du passé pour mieux le retrouver, j'ai le sentiment, je ne sais pas Pauline, Marie, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que, de fait, on a beaucoup plus de recul quand il y a plusieurs siècles. Et donc, mais pourtant, Pauline, Marie a beaucoup plus d'archives que vous. Oui, alors ça dépend. C'est-à-dire elle-même que... des témoins. Oui. Alors là, ça fait toute la différence. Le problème, c'est que les témoins peuvent aussi vous induire en erreur. Je fais toujours attention aux témoignages d'artistes, en fait. Et je fais très attention de ne jamais les croire, en tout cas de ne jamais les prendre au premier degré. Et je pense que c'est valable pour un artiste du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, comme du XXe siècle. C'est-à-dire que l'artiste n'a pas nécessairement le recul pour expliquer sa propre œuvre. Qui plus est, quand il est... soumis à des contingences, à des obligations académiques, comme c'est le cas au XVIIIe siècle. Et donc, du coup, il doit se soumettre à une sorte d'obligation qui est parfois incompatible avec sa pratique. Pauline Marie, vous êtes d'accord? À qui faites-vous confiance? Pour le coup, je me crois entièrement Amandine Rabier. Non, mais parce c'est que c'est vraiment, enfin, l'histoire de l'art, c'est pas un domaine en soi. Il y a plein de être. Alors, il y a des choses qui se recroisent, mais être historien de l'art du 18e ou des années 60, les problématiques changent. Donc, je comprends tout à fait. Il faut, quand vous parliez tout à l'heure de la mauvaise foi de Fuseli, je trouvais ça très intéressant de se dire toujours, je n'accorde pas une confiance infinie à. Je prends du recul avec le matériau que j'ai devant moi. Après, la question, c'est au fond, est-ce que le but de l'historien de l'art est d'accéder à une vérité objective? Moi, je pense que quand on étudie un objet d'art, on veut en savoir autant sur l'époque, autant sur la modernité de l'époque, que sur notre époque à nous. au fond. On a toujours des lunettes, mais l'outil va changer au fur et à mesure des périodes. Et à un moment donné, on va se retrouver, je pense que l'histoire est cyclique, dans une période où on va avoir la même paire de lunettes que la paire de lunettes dans les années 60. Je pense que, pour le coup, on est vraiment dans une époque de revival des années 60. Je prends un exemple. Le film célèbre de Truffaut, qui s'appelle, un des films très célèbres, Fahrenheit 451. Donc une parabole de dystopique qui se passe dans un futur proche. Et dans ce film, il est interdit de lire et donc les pompiers brûlent les livres. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Truffaut fait ce film, le tourne vers 65 et se rend compte qu'il y a déjà eu James Bond, qu'il y a déjà eu beaucoup de films de science-fiction et que ça va être difficile de rivaliser avec leur gadgeterie. Il se dit, très bien, j'en prends le contre-pied, puisque dans les années 60, le comble de la modernité, c'est la nostalgie du passé. Le comble du moderne, c'est d'acheter un appareil, un téléphone à manivelle à New York. C'est très à la mode, appareil téléphone à manivelle des années 30. Bien, je vais faire la même chose, je vais meubler mon film, d'objets vieillots, d'objets belle époque. Bon, très intéressant, parce que ce qui peut être pris pour une modernité ratée dans les années 60... aujourd'hui peut être considéré justement comme une approche tout à fait à la mode, qui est celle du rétrofuturisme, mélanger plusieurs temporalités. Il y a un mouvement en art qui s'appelle, qu'on a baptisé l'archéomodernisme, c'est s'intéresser à nos utopies désuètes, genre, par exemple la montgolfière, et donc, ou l'aérotrain dans les années 60. On va reprendre des objets, des anciennes visions du futur, qui sont aujourd'hui frappées d'obsolescence. Donc un artiste contemporain qui revoit Fahrenheit 451 ce film des années 60 va se dire, mais qu'est-ce qu'il était moderne à l'époque Truffaut ? Alors qu'à l'époque, on va dire qu'il n'était pas moderne. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que finalement, il vieillit à l'envers. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur... plus je suis dans un écart de temps, plus je peux comprendre la modernité qui est en cause. Ce film vieillit à l'envers, c'est-à-dire que dans les années 80, on dit que le côté kitsch de Fahrenheit a disparu. Dans les années 2000, on dit que le glacis 60s s'est fissuré, exactement comme si c'était une peinture qu'on avait restaurée. Et comme on est, je crois, en plein revival des années 60, ne serait-ce que dans la mode, on est dans une période androgyne, on est dans une période, c'est pour ça que Lopart a autant de succès. À un moment donné, on met les mêmes lunettes, pour parler de Wittgenstein, ou à peu près, que les lunettes de la période concernée. Je sais pas si. Donc il y a une sorte d'invariant quand même. Une sorte d'invariant. Cyclique, de temps cyclique. De temps cyclique et voilà. Finalement les chronologies et les temporalités n'arrêtent pas de s'embrouiller. Il est possible de se réactiver. Il est possible que dans 50 ans, on trouve Fahrenheit 451 totalement raté, vieillot. Et comme il est possible que dans 70 ans encore, on le trouve... Mais bon, après, il y a cette question des chefs-d'œuvre qui ne vieillissent pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est... Amandine Rabier. J'aime beaucoup votre exemple sur Fahrenheit 451, mais c'est très... Ça montre un petit peu l'approche qu'on a, l'analyse qu'on fait est relative à ce qu'on veut démontrer. C'est-à-dire que votre approche, elle reflète la question de votre thèse de doctorat. Mais moi, j'aurais aimé, quand je pense à Fahrenheit 451, je pense en tant qu'amatrice, je pense à l'histoire. Et ne serait-ce que l'histoire, votre choix est génial, et judicieux dans le sens où il pose vraiment les questions du passé et comment faire revivre ce passé. Le film en soi, sans parler de la forme, ne parler que de l'histoire, pose déjà ces questions-là. Et moi, la question qui m'intéresse dans ce film, c'est vraiment... le passé peut-il encore vivre sans personne pour le penser ? Puisque à la fin du film, les personnes s'aliènent en fait. Enfin, elles aliènent leur pensée et leur âme et elles deviennent un réceptacle à livre en fait. Donc elles font le choix du passé plutôt que du présent. La question en fait, c'est ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on peut rendre le passé présent ? Oui. Et si on fait le choix du passé plutôt que du présent, du coup, on renonce au présent qui devient inexistant. Vous voyez ce... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et au fond, c'est ce que j'ai essayé peut-être de dire tout à l'heure, c'est que l'histoire de l'art, toute forme d'histoire, en tout cas dans les sciences humaines, ne nous intéresse que précisément parce qu'elles vont nous apprendre quelque chose sur aujourd'hui. C'est ce que disait Michel Foucault, le principe d'actualité. À un moment donné, je vais étudier l'histoire des prisons, l'histoire des tortures à l'époque médiévale ou autre, pour comprendre comment petit à petit il y a eu une transparence du système carcéral. Et en fait, je prétexte de m'intéresser au passé pour mieux comprendre ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce que disait Nietzsche dans un texte qui s'appelle « La seconde considération inactuelle ». C'est de dire attention à ne pas faire une histoire mortifère, à s'intéresser à une histoire, ce qu'il appelle une histoire d'antiquaire. Il faut toujours se dire que nous sommes acteur de cette histoire. Il ne faut pas simplement commenter l'histoire, il faut défendre des choses et la faire. Oui. Ce que vous dites me rend capable de dire le contraire de ce que j'ai dit. En préambule, je me demandais si on était capable de regarder le passé sans rétro-projeter sur lui ce que nous vivons au présent et nos normes actuelles. Mais on pourrait se demander si ce n'est pas l'idée contraire qu'il faut défendre, à savoir que lorsque nous nous concentrons sur un tableau, le seul fait d'y prêter attention nous porte à nous enfoncer dans son histoire, à nous décaler par l'imagination de la surface de son présent. Nous percevons alors quelque chose qui semble l'attacher à sa provenance lointaine. Et Nabokov a écrit, vous parliez de transparence tout à l'heure, a écrit un livre qui s'appelle « La transparence des choses », à travers laquelle, disait-il, brille leur passé. Donc vous qui êtes historienne, toutes les deux, est-ce que vous êtes capable, en regardant une œuvre du passé, mais dans le présent, de vous trouver projeté dans l'époque? Est-ce qu'il y a ce mouvement-là qui vous emmène vers le passé? Ou est-ce que c'est l'inverse qui se produit? Non, c'est pas l'inverse qui se produit. Mais quand vous regardez Fuseli, vous êtes au XVIIIe siècle? J'aimerais vraiment, mais je crois que c'est vraiment une utopie. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de combler cette distance par le savoir, ce que je disais tout à l'heure, je crois que cette quête est vaine. C'est-à-dire qu'on connaît les codes. Quand on essaie d'emmagasiner ce savoir, justement, et en l'occurrence le XVIIIe siècle et cette société anglaise, on commence à connaître les codes, on a des réflexes, on a un patrimoine d'images qui se met en marche, en fait, automatiquement. Donc on comprend l'iconographie. On comprend l'iconographie telle qu'il la comprenait à l'époque, même si parfois, il y en a toujours des énigmes à résoudre. Mais je crois que c'est une utopie, en fait, et qu'on reste toujours dans ce présent. Et je crois que ce présent est salvateur. Je crois que restituer sans distance, c'est rendre le passé présent et le présent inexistant. En tout cas, c'est à ça que je pensais quand je regardais Fahrenheit 451. Mais vous savez, les physiciens, ils aiment bien trouver des invariants, des grandeurs qui ne changent pas quand on change de point de vue ou quand on se déplace dans le temps. Est-ce qu'il y a des invariants, à votre avis, dans l'histoire de l'art? Par exemple, est-ce qu'on a pu identifier une propriété que doit posséder une œuvre pour qu'à l'époque où elle est produite, on puisse dire « ça, c'est une œuvre d'art » ? Alors, en termes d'invariants, j'ai peut-être un exemple là-dessus. Qu'est-ce qui fait qu'on dit « c'est une œuvre d'art » et est-ce qu'il y a quelque chose dans cette caractérisation qui échappe aux époques ? Ah, d'accord. Donc la question du chef-d'œuvre, en fait. Pas du chef-d'œuvre, œuvre d'art, simplement. La question de l'œuvre d'art. En fait, si on réfléchit, c'est une histoire du goût, l'histoire de l'art. Donc il y a des œuvres qui vont changer. C'est-à-dire que même si on apprécie aujourd'hui la Joconde de Vinci, on est encore dans une histoire du goût. C'est-à-dire que on est tellement dans une histoire du goût qu'on va aimer l'objet avant même de l'avoir vu. C'est ce que disait Daniel Arras à propos de la Joconde. Il disait, mais finalement, dès qu'on rentre au Louvre pour aller voir la Joconde, on l'aime déjà. Pourquoi on a le droit de ne pas apprécier la Joconde? Ah oui, ça c'est une question, mais moi je me souviens, quand je faisais du journalisme, j'ai pu faire une enquête sur la restauration des tableaux de Vinci. Et il y avait un des restaurateurs du Louvre, dont je tairai le nom, qui m'avait dit « Mais la Joconde, aujourd'hui, est comme une poêle encrassée. » C'est-à-dire qu'on va se pâmer devant la Joconde alors qu'il y a tellement de vernis, il faudrait tellement retirer le vernis pour pouvoir la pâme pas devant les poils en général. Non, mais ça c'est très juste. En revanche, c'est que déjà ne serait-ce que pour cette raison-là, c'est-à-dire que l'altération du temps sur une œuvre fait qu'on ne peut pas la voir telle qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des modifications techniques. Par exemple, au XIXe siècle, et même Fuseli, les artistes utilisaient le bitume à cette époque-là. Et donc ça provoque maintenant des craquelures, ce qui fait que l'œuvre est altéré, qu'il est impossible de voir une œuvre de Fuseli. Elle dépend toujours, en fait, de la technique de sa production, qui détermine la façon dont elle évolue au cours du temps. Oui, clairement, ça c'est certain. Oui. Mais une autre façon de poser la même question, c'est quoi un artiste raté? Est-ce qu'on peut l'avoir été et ne plus l'être? Et est-ce qu'on peut ne pas l'avoir été et le devenir? Un artiste raté, bon bah c'est quoi? Alors un artiste raté, il y a plusieurs cas de figure, mais il y a par exemple un artiste qui attend le succès qu'il aura de façon posthume, donc typiquement par exemple Van Gogh, et à un moment donné on va découvrir le génie de Van Gogh bien après. Et après c'est une question de différentiel, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'un artiste est raté parce que ce n'est qu'un peintre décorateur et qu'il n'a pas le succès, enfin c'est pas un artiste reconnu. Par contre, ce peintre décorateur peut avoir beaucoup d'importance pour un historien de l'art et du cinéma. Merci à Amandine Rabier et Pauline Marie d'être venues proposer plusieurs réponses très différentes les unes des autres à la question que j'avais posée. J'ai évoqué à plusieurs reprises Wittgenstein et je voudrais l'évoquer à nouveau en guise de conclusion. Il dit ceci, « Si j'écoutais ce que dit ma bouche, je pourrais dire que quelqu'un d'autre parle par ma bouche. » Fin de citation. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je vais moi-même me laisser aller à y réfléchir pour mon propre compte. À samedi prochain pour de nouvelles aventures conversationnelles. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Pascal Bénard, et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.